Yeah. L A S. La piste, quand tu danses, tu rends fou. C'est pour toi, c'est tout. Quand je m'enlace avec toi, joue contre joue. Oh oh, allons-y, sois doux, direct sans tabou. Fais-moi confiance, après la danse, tu m'appelleras doudou. Peut-être hibou, peut-être hichou. Peu importe du moment qu'on est ensemble jusqu'au bout de la nuit. Baby, baby, baby. Je ressens tout tes mouvements. Baby, baby, baby. Les battements de ton cœur. Baby, baby, serait-ce un enfant? Je ne peux pas passer cette porte. Oh, oh, oh, oh, oh. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Je ne peux pas passer cette porte. Oh, oh, oh, oh, oh. Il a les mots, il a le flow. Je ne peux pas passer cette porte. Oh, oh, oh, oh. Non, je ne peux pas passer de ce royaume. Je ne peux pas passer cette porte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Je ne veux pas, non, je ne peux pas. Le temps passe et les sentiments s'installent et prennent le contrôle de moi. Je pourrais dire vraiment ce que je ressens, tout ce qui émane de moi. Tous les deux bébés, je crois qu'on a passé un cap. Je peux te le promettre, y'a que sur la piste que je dérape. Petit pas à gauche, le déhanché qui make ça coller serré toute la night. Lady, give me the, give me the, give me the, give me the. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Je ne peux pas passer cette corde. Oh, oh, oh, oh, oh. Il a les mots, il a le flow. Je ne peux pas passer cette corde. Oh, oh, oh, oh. Non, je ne peux pas passer de ce royaume. Je ne peux pas passer cette corde. Oh, oh, oh, oh, oh. Je ne veux pas, non, je ne peux pas. Je m'abandonne. Je ne peux pas me passer de toi, car la vague est bonne. Nos deux corps entrelacés. Dans tes bras, je m'abandonne.